Fermez les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour la vie et la force qu'il te donne? Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons ce matin. Te donnons la gloire. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration ce matin. Tu es glorieux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons. Seigneur, merci. Merci pour la vie. La vie éternelle. Merci pour le salut. Merci pour les grandes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci. Seigneur, aie pitié de nous. Est-ce que tu peux demander pardon ce matin? Ferme les yeux, demande pardon. La Bible dit qu'il est fidèle. Il est toujours fidèle pour nous pardonner lorsque nous reconnaissons. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Pardonne-nous. Lave-nous ce matin. Seigneur, merci. Merci. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Lord, have mercy. Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de nous. De moi. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Father, we bless you. Seigneur, nous te remercions ce matin pour cette grâce, pour cette miséricorde que nous avons chaque fois. Ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Et Seigneur, ce matin, nous sommes ici. Que ta volonté soit faite, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole nous change, Seigneur. Que ta parole nous brise ce matin, Seigneur. Que ta parole brise nos cœurs durs. Seigneur, que cette parole nous brise pour recevoir ta parole, pour recevoir ta bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et avec un sourire lui dire bonjour? Bonjour. Tu seras étonné que tu peux rester à côté de quelqu'un sans même reconnaître la personne. Lorsque tu sors, dis que oh, j'étais à côté de toi. Dis, oh oui, ah, bon, je ne savais pas. Alléluia. Amen. Yeah. Ce matin, je suis content de voir tous. Alléluia. Et je pense que le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Ce matin, pourquoi Dieu a établi la dîme. Pourquoi Dieu a établi la dîme. Si tu étais là une, bien deux, trois semaines, je pense que tu seras d'accord avec moi, disant que la dîme, c'est un commandement mystérieux que le Seigneur a donné. Alléluia. La dîme est mystérieuse. Amen. Et donc, cette chose mystérieuse que Dieu nous demande de faire, ça accomplit aussi certains objectifs. Alléluia. Il y a certaines raisons pour lesquelles Dieu a établi la dîme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce matin, on va voir quelques de ces raisons. Alléluia. Pourquoi il a établi la dîme? Pourquoi il veut qu'on paie la dîme? Alléluia. Pourquoi la dîme? Amen. Est-ce qu'on a vraiment besoin de payer la dîme? Certains disent que non, on ne doit pas payer la dîme. Dieu ne demande pas de payer la dîme. Alléluia. Mais vous allez comprendre pourquoi Dieu demande qu'on paie la dîme ce matin. Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ceux qui sont derrière, vous m'entendez? Vous m'entendez? Alléluia. La dîme, la première raison, c'est pour que les gens expriment leur gratitude à Dieu. Alléluia. Pour que nous exprimons notre gratitude à Dieu. Gratitude, c'est quoi? Gratitude, c'est quoi? Reconnaissance? Tu dis quelque chose? Non, toi. Assis à côté de la belle fille. Et c'est une façon de remercier le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pour exprimer notre gratitude. Dans Deutéronome chapitre 26. Alléluia. Deutéronome chapitre 26. La Bible. Prends ta Bible. Deutéronome 26, verset 1. Alléluia. Vous êtes là? Deutéronome 26. Tout le monde est dans la Bible? Alléluia. Deutéronome 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et lorsque tu le posséderas et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sort dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Pour reconnaître, il est en train de dire ce que le Seigneur a fait pour eux. Amen. Et le Seigneur dit, après tout, après que je vous ai sauvé, je vous ai établi, d'accord, amenez les prémices. Alléluia. Donc c'est une forme de gratitude, une forme de remerciement. Il faut dire merci à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne remercient même pas le Seigneur. Ce matin, on n'a pas dit merci à Dieu. C'est pas à cause de l'exercice que tu fais que tu es ici, tu es debout. Alléluia. C'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de la nourriture que tu manges. Aliment. Tu as un livre sur l'alimentation. Et chaque matin, tu lis pour voir ce qui est bien pour toi. C'est pas ça. Alléluia. Les gens font ça, non bien? Les gens font ça. L'air que tu respires, est-ce que tu as payé pour ça? L'air que tu respires là, est-ce que c'est pour ton papa? Non, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ton cœur est en train de battre normalement. Est-ce que c'est toi qui as fait? Est-ce que c'est toi qui as fait? Non. Non. Ah. Donc, lorsque tu amènes la dîme, tu dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci. Je reconnais que c'est toi qui as fait. Alléluia. On ne peut pas entrer dans des exemples de ce que le Seigneur a fait pour beaucoup de personnes ici. Si tu peux fermer les yeux et réfléchir un peu, voir ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas voir que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour toi. Yeah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Donc, reconnais ce que le Seigneur, si tu arrives à marcher, tu arrives à parler, tu arrives à boire de l'eau, tu arrives avec quoi? À crier, à chanter, hein? À marcher. Les gens viennent ici, ne veulent pas chanter. Hein? Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Alléluia. Yeah. Mais reconnais ce que le Seigneur a fait pour toi. Yeah. Il y a un chant en tui, ou bien en anglais aussi, oui. En tui en anglais qui dit que, je pense que c'est en français aussi. Il dit, commence à compter tes bénédictions. Il y a un chant comme ça. Lorsque tu commences à compter, hein, la chorale, vous avez oublié, la chorale. Yeah. Un à un, bien une à une, tes bénédictions, les bienfaits, un à un. Tu vas voir que le Seigneur fait beaucoup de choses pour toi. Mais parfois, on laisse ces bénédictions et il y a une chose qu'on veut que le Seigneur fasse pour nous, passe pour nous. Et à cause de ces choses, on oublie toutes les bénédictions que le Seigneur a fait pour nous. Yeah. À cause d'une chose, peut-être la scolarité. Et c'est comme le Seigneur n'a rien fait pour toi. Yeah. À cause du Western qu'on n'a pas envoyé pour un mois, c'est fini, le Seigneur n'existe plus. Est-ce que Dieu est vivant? C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. À cause de quelque chose de très petit que le Seigneur peut faire dans une minute. Et à cause de cela, parce que tu ne reconnais pas, le Seigneur ne va pas faire. Le Seigneur ne va pas faire parce que tu ne reconnais pas ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et donc aujourd'hui, c'est pour te ramener à voir qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. Oublie un peu ce que la chose là que le Seigneur n'a pas encore fait. Oublie un peu et pense à ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour toi. Yeah. Parfois, je dis à certaines choses, quelqu'un veut être comme toi. Yeah, je dis ça souvent. Quelqu'un te regarde, la personne n'a pas ce que tu as, la personne n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, la personne, je ne sais pas, et te regarde et dit, oh Seigneur, merci. Merci pour cette personne, et moi, et moi. Alors que tu es en train de pleurer que le Seigneur n'a rien fait pour toi. Hein? Qui que ce soit, il y a quelqu'un qui te regarde et dit que Seigneur, si je peux être, pas l'envie, il est en train d'admirer la manière dont le Seigneur t'a béni. Hein? Tout le monde ici, quelqu'un n'est pas comme toi et veut être comme toi. Tout le monde ici. Yeah. Il y a quelqu'un qui n'est pas comme toi et te regarde et dit, oh Seigneur, merci pour cette personne. Et moi, bénis-moi comme si tu as béni cette personne. Bénis la fille comme bénis-moi comme tu as béni cette fille-là. Alléluia. Yeah. Ça va bien, c'est faux. Vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc la dîme, c'est reconnaître, exprimer gratitude. C'est pourquoi on dit, c'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. L'air là, on n'achète pas. Tu n'as pas acheté. Tu n'as pas acheté. Alléluia. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, Dieu a établi la dîme pour les gens, pour nous rappeler à partir d'où Dieu nous a élevés. À partir d'où? Alléluia. Moi, je connais, je n'oublie jamais là où le Seigneur m'a élevé. Yeah. Jamais. Je ne vais jamais oublier. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que tu peux te rappeler de là où le Seigneur t'a pris? Hein? Tu peux te rappeler? Tu peux te rappeler un peu? Hein? Tu peux te rappeler un peu? Yeah. Yeah. Hein? Alléluia. Deutéronome, chapitre 26, je parle, c'est le même chapitre. OK. Verset 4, je pense. Yeah. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole. Verset 5, je pense. Et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Mon père était un araméen nomade. Alléluia. Hein? Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour là. OK. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Alléluia. Vous êtes là? Yeah. Nos pères étaient araméens. Hein? Yeah. Étaient des esclaves. Nomades. Esclaves en Égypte. Et mais c'était, on était esclaves au péché. Esclaves. Esclaves au diable. Le diable l'utilisait pour faire de mauvaises choses. Alléluia. Yeah. C'était dans, on était malades. Le Seigneur nous a sauvés. C'était dans, on était prostitués. C'était dans, on était voleurs. Voleurs. On volait. Aujourd'hui, tu es comme un saint. Hein? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, si tu vois quelqu'un qui était prostitué à l'église, sur les stades, en train de chanter, il ne faut pas être étonné. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui change. Oh. Ta maman a parlé beaucoup, n'a jamais changé. Tu fais des bêtises, on t'appelle, chaque fois, c'est toi. S'il y a mauvaise chose à la maison, c'est toi. Même si c'est quelqu'un d'autre. Il y a des frères aussi à la maison, ils savent que ah, c'est toi qui, chaque fois on t'appelle, là, ils vont aller faire des mauvaises choses. Ils savent qu'on ne va jamais les appeler, c'est toi on va appeler. Tu dis, maman, ce n'est pas moi. Oh, maman ne va pas croire. De toute façon, c'est que c'est toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Ta vie. Regarde, le Seigneur t'a changé. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Troisième raison. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Yeah. Ça, c'est un bon message. Dieu a établi la dîme comme une prière d'action de grâce. Hein, c'est comme la première raison. Action de grâce. C'est pour dire merci. Alléluia. C'est ça? Verset 7, Deutéronome 26, verset 7. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel étant entendu notre voix, il vit notre oppression, nos prières, nos peines et nos misères. OK? Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, pays où coule le lait est le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Yeah. C'est pour dire merci. Après tout, il a vu notre oppression, nos peines, nos misères. Et il a fait des signes, des miracles. Et il nous a sauvés des Égyptiens. Et nous sommes maintenant. Il dit, après tout, après t'avoir sauvé, amène la dîme devant l'Éternel. Est-ce que vous avez vu? C'est ça, non? Yeah. Amène la dîme, amène les prémices. La dîme de tout le sol à l'Éternel. Et donc, lorsque tu paies la dîme, tu dis merci pour m'avoir sauvé de l'oppression. Merci pour m'avoir sauvé du péché. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Parfois, lorsqu'on dit merci, il y a beaucoup de chants. Merci Seigneur, merci. Il convient te dire merci. Il convient te dire. C'est ça, non? Mais dans le cœur, c'est pas merci, hein? Donc, lorsque tu amènes la dîme, maintenant, on voit maintenant que maintenant, c'est concrète. Et c'est ça. Ou bien, parce qu'on dit les choses de les lèvres, le cœur, c'est pas ça. Beaucoup d'entre nous, on loue le Seigneur, on dit, on lève la main, mais dans le cœur, ta main n'est pas levée. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le mariage, tu dois payer la dot. Hein? Tu dois payer la dot. Ça, c'est. Tu dis, oh, j'aime là, je t'aime. Mon cœur bouge de la droite à la gauche. Tu dis au père de la fille, oh papa, j'aime ta fille. J'aime ta fille. Je l'aime très bien. Je peux prendre soin d'elle plus que toi-même. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah, je veux. C'est ça qu'on dit souvent, non? Yeah, on va prendre soin. On est capable de prendre soin. Yoann, c'est ça, non? Yeah, capable de prendre soin. On est capable. De prendre soin de la fille. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et puis on regarde la fille, on commence à décrire. Tu es belle. Il y a quelqu'un qui a dit que tes cheveux brillent comme le soleil. Et lorsque je te regarde, à cause de des cheveux qui brillent là, je ne vois plus, je ne vois plus les autres filles. C'est toi seule que je vois. Tes cheveux brillent de telle manière que je ne vois plus les autres filles. C'est toi que je vois. Forgive. Les hommes là, vous avez la parole. Le verbe, ça coule comme de l'eau. Forgive. Oui, elle est belle, tu l'aimes, mais amène la dot. La dot, c'est la dot. Papa dit oh oui, papa dit oui, je sais, tu es capable de prendre soin, mais amen. Pour confirmer que vraiment tu peux prendre soin. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pourquoi il y a la dot, parce que ce que les gens disent. Maintenant, on doit même signer même. Parfois, on doit signer. Ce que tu dis là, tu dois signer. Ou bien dans vos pays, on ne signe pas. À la mairie. C'est pour aller signer, non? Après tout, tu exprimes ton amour, quoi, tout ça là. Oh. Mon frère, signe. Viens payer. Payer la dot. Achète. Quoi, on achète? Qu'est-ce qu'on achète pour les mariages? Le bœuf, l'épagne. Yeah, on a dit même au nord du Ghana, pour le mariage, tu dois amener combien de veaux, de 10 bœufs? 10 bœufs. Et combien le bœuf là, combien ça coûte combien? C'est combien? 3 000 Ghana Cedi multiplié par 10. Tu vas voir que l'amour là c'est cher. L'amour c'est cher. L'amour c'est cher. Et certains d'entre vous voulez, vous avez une description de la femme. Belle, de teint clair. Teint clair là, c'est de l'argent. Yeah. C'est de l'argent. Vous voulez Coca-Cola? Il faut aller, amène de l'argent. Amène de l'argent. Amène la dot. C'est ça, non? C'est ça même. Tu crois que elle est comme ça, Coca-Cola, c'est automatique. Non. Teint clair ou bien teint noir. C'est ça. Amen. Appelez. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux filles là, vous là, s'il vous plaît. Ça, c'est un conseil d'un frère. Un conseil d'un frère. Il ne faut jamais te déshabiller pour un garçon qui n'a pas. Parce que tu es de valeur. Les filles, vous êtes là. Vous êtes là. Hein? Yeah. En anglais, on dit, you are cheap. Vous connaissez cheap? En français, c'est quoi? Moins cher. Lorsqu'on n'a pas payé la dot. La cheap. C'est pourquoi il y a certains ont commencé lorsque tu t'es déshabillé de oh, je ne t'aime plus. La cheap. La cheap. Tu comprends ce que je dis? La cheap. Pas de valeur. Pas de valeur. Yeah. Et lorsque tu te laisses comme ça, il y a des garçons qui sont des amis, ils disent que, oh, tu vois la fille là? On a déjà passé là-bas. Toi aussi, tu peux passer. Toi aussi, tu peux passer. Et l'ami aussi va aller passer. Et va lui aussi dire à son ami. Et lui aussi va passer. Et tout le monde te regarde. Et personne, les gars, personne ne va te marier. La cheap girl. Dieu t'a sauvé. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter ça. Yeah. Dieu t'a racheté avec le sang précieux de Jésus. Vous comprenez? Les filles, vous comprenez? Ne vous laissez pas. Ce n'est pas la faute du garçon. Ce n'est pas la faute du garçon, c'est la faute de toi. C'est ta faute. Parce que le garçon, lui, il se lève le matin avec beaucoup de choses. Lui se lève le matin avec beaucoup de choses. Yeah. Entre les cuisses. Donc. Yeah. Pour le garçon, le sang est chaud. Chaque fois, le sang est chaud. Les garçons, vous êtes là. Forgive. Stéphane, je dis quelque chose de mauvais. Pareil. Mais sérieusement, les filles, s'il vous plaît. C'est ta faute. C'est ta faute. Yeah, je ne dis pas que je ne blâme pas les garçons. Mais la décision finale, c'est toi. Le garçon peut décider, mais si tu ne signes pas, ça ne passe pas. Yeah. Alléluia. Donc arrêtez, parce que j'entends beaucoup, on parle beaucoup des filles de l'église d'Abelenke. Beaucoup. Beaucoup. Elles me regardent, je les regarde. Donc. Elles se connaissent et je les connais. Hein? Elles se connaissent, je les connais aussi. Donc attention. Dis à une fille qui est proche de toi, attention. Attention. Attention. De la même manière, Dieu, après avoir chanté, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je me sacrifie, quoi. Amène la dîme concrète pour vraiment montrer vraiment que tu es reconnaissant. Amène la dîme. Après tout ce qu'il a fait pour toi, merci pour m'avoir sauvé. Majesté, majesté. Qu'est-ce qu'on dit? La grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pourtant perle de prix. Et tout ça là, ta présence est comme quoi? Incomparable. Tout ça là. Après tout ça là. Amen. La dîme. Ça c'est. On peut voir, le Seigneur peut voir vraiment que c'est ça. C'est ça. Paye la dîme. Paye la dîme. C'est pourquoi l'homme aussi prend la dot. Si tu es ma fille, tout ça là, je vais pas maltraiter ta fille, tout ça. Amen la dot. Amen la dot. Parce qu'on ne connaît pas ton cœur. On ne connaît pas. Ah. On va voir, c'est pourquoi vous voyez les garçons. Je t'aime. Il y a de verre, ils vont parler beaucoup. Après avoir enlevé la jupe, c'est fini. Ils changent de numéro de téléphone. C'est pourquoi les filles là, faut pas baser vos décisions sur les parler blablabla. Les blablabla là. Un garçon qui fait blablabla. Il y a des filles, lorsqu'on commence à parler, oh, je t'aime. Oh, il y a personne qui m'a jamais dit ça. Oh, merci. C'est un verbe, c'est pas vrai. Oh. Ce qui sort là, c'est pas le. Parfois on a vécu dans un environnement où il n'y a pas l'amour. Vous comprenez, non? Il n'y a pas l'amour dans la maison, tout ça là. Chacun pour soi. Et donc tu rencontres un gars qui dit, je t'aime. Je t'apprécie. Alors qu'à la maison, on te dit, oh, folle. Donc à cause de cela, tu penses que ce que la personne dit là, c'est ça. Non. Bon, beaucoup de garçons trompent. Nous les garçons trompons. Devant les filles. On veut impressionner. C'est vrai ou bien c'est faux? Les garçons, je leur donne le secret. Oh. Je leur donne le secret. Yeah. On aime parler. Le verbe. Donc les filles, ne prenez pas des décisions basées sur le verbe. Le verbe, si c'est le verbe, tu es type. Tu es type. Tu es type. Action. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc Dieu aussi, c'est la même chose. Après tout ce qu'on a dit, on va prier, on a des mots qu'on utilise pour le Seigneur. Ces mots-là ne viennent pas vraiment de nos cœurs. Les filles, lorsque un garçon fait une proposition, chaque dimanche, il faut regarder s'il paie la dîme. Garçon qui ne paie pas la dîme là. Ça veut dire ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, aujourd'hui là, pardonnez-moi s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Il y a un verset qui dit quoi? Là où ton trésor est, ton cœur est là où ton trésor, c'est ça non? Là où est ton cœur, c'est là où tu es ton trésor. Trésor, c'est quoi? C'est l'argent, bien. Entre ce que j'ai. Il y a la valeur. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes ont un problème à payer la dîme. Parce que c'est ton sang. Si tu travailles, c'est ton sang. C'est le sang de ton père, de ta mère qui a travaillé, t'a envoyé le West End. Donc c'est un trésor, quelque chose qu'on chérit, qu'on apprécie. Tout le monde apprécie l'argent bien. Tout le monde, il y a quelque chose concernant l'argent. C'est pourquoi l'argent concourt avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Ce n'est pas possible. Si tu aimes l'argent, tu ne vas pas aimer Dieu. Dans le test de dire que je n'aime pas l'argent, c'est te payer la dîme et payer l'offrande. Dit que l'argent, c'est rien. Donne à Dieu. Donc, quelqu'un qui ne paie pas la dîme, cela veut dire que ton cœur, tu n'aimes pas le Seigneur. C'est pas vrai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et là, les gens, quand on parle de loyauté, des gars, tous les leaders ou bien tous les pasteurs, si tu ne paies pas la dîme, c'est la déloyauté. Tu es en train de mentir. Tu n'es pas avec nous. Yeah. On va vérifier. Si tu es leader, on vérifie si tu paies ta dîme. Si tu ne paies pas ta dîme, c'est parce que tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que l'argent concourt, c'est la seule chose qui concourt avec Dieu. Yeah. La seule chose, ceux qui vont aller vont travailler, oh, je travaille, oh, à cause du travail, je ne viens pas à l'église. Oh. L'argent atteint le concours avec Dieu. Yeah. C'est la Bible qui dit, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent. Soit tu aimes l'argent et tu laisses Dieu, mais soit tu aimes Dieu, tu l'argent. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout le monde cherche de l'argent, mais l'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. L'argent ne doit pas contrôler ta vie. C'est le Saint-Esprit qui doit contrôler ta vie. Si tu aimes l'argent, le Saint-Esprit ne peut pas contrôler ta vie. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Ah, la raison pour laquelle on paie la dîme, pour dire vraiment que j'aime le Seigneur. Seigneur, merci. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Dieu a établi la dîme afin que vous profitiez des 90% restants, sachant que vous avez donné à Dieu ce qui lui est dû. Yeah. Lorsque tu donnes les 10%, les 90%, tu te réjouis maintenant. Ceux qui savent qu'ils doivent payer la dîme et ne paient pas la dîme n'arrivent pas à te réjouir des 100% de l'argent. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est pour toi. Lorsque tu paies la dîme, tu vas voir que, oh, il y a la joie, on dépense, on a les 90%, on étudie ça. Et on est content. C'est vrai, bien, c'est bon. Yeah. Si tu n'as jamais commencé, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Deutéronome 26, verset 11. Puis tu te réjouiras avec les Lévites et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés et à toi et à ta maison. Puis tu te réjouiras. Après avoir payé dans verset 10. Verset 10 de donner tes prémices. Donc verset 11 dit que maintenant tu vas te réjouir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Commence à payer, tu vas voir. Tu vas voir que les 90% ils soient en joie. Alléluia. Est-ce que tu es bon? Une autre raison, Dieu a établi la dîme pour payer les pasteurs, les Lévites. Les Lévites sont les pasteurs. Et les garder à l'œuvre dans la maison de Dieu. Yeah, c'est pour les païens. Je pense que j'ai déjà dit ça les semaines passées. C'est pour payer les pasteurs. Alléluia. Comment est-ce que la maison de Dieu va continuer à fonctionner si on ne paie pas ceux qui travaillent dans la maison? Yeah. Comment est-ce que le gouvernement va continuer à vous donner, à vous faire des la lumière, les routes, les constructions des routes, et tout ce que le gouvernement devait faire si on ne paie pas les taxes. C'est ça, non? Yeah. Et vous payez. Alléluia. Et vous allez voir qu'on doit payer, bien payer les pasteurs. Pour qu'on paie bien les autres et puis on ne paie pas ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et puis on doit payer les intellectuels dans la maison du Seigneur. Pas ceux qui n'ont pas allé à l'école qui doivent travailler à la maison. Pas ceux qui ne sont pas intelligents qui doivent travailler dans la maison du Seigneur. Yeah. Parce qu'à l'école biblique, je me rappelle lorsqu'on a commencé, il y avait une famille là qui a mené leur fils à l'école biblique, hein, parce que comment on dit, comment on décrit ça? Il y a un problème mental. Il a un problème mental. On a dit, ok, il a des enfants. Lui, il est docteur. Il est à l'école de médecine. L'autre, il est en France. Il est en train d'aller à l'école ici. L'autre, là, oh, puis le gars, là, lui, il est... Donc, on l'amène à l'école biblique. C'est pour insulter le Seigneur. Yeah. On fait ça. C'est pour insulter le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, là, tu peux voir les docteurs, les ingénieurs, hein, les avocats qui sont là, qui ont laissé pour travailler pour Dieu, pour utiliser leur intelligence. Alléluia. Et ça fait une grande différence. Est-ce que vous comprenez? Il y a une grande différence. Parce que c'est pour envoyer les missionnaires dans un pays étranger. Il doit avoir un avocat qui connaît les lois pour dire que lorsque tu vas là-bas, un Ghanéen qui va dans un pays étranger, va là-bas au Congo, en Guinée, Papoua Guinée, à Tobago, et quoi là? J'ai un ami qui a comment on appelle Tobago, deux noms là. Trinité Tobago, j'ai un ami qui est là-bas maintenant, avec sa femme et ses enfants, qui sont Ghanéens, tous. Ils ont quitté, ils sont là-bas. Donc, il doit avoir un avocat qui connaît pour dire que lorsque tu vas, il faut suivre 1, 2, 3. Pour construire des maisons, il doit avoir des quoi, comment on les appelle? Les architectes qui sont là. Donc, tu vois, là, tu as construit beaucoup de choses. Parce que ces personnes qui sont là, qui travaillent dans la maison pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, tu vas dire qu'on ne va pas les payer. Amen ta dîme, on doit les payer. Amen ta dîme. Et on doit les bien payer. On doit les bien payer. Pourquoi on doit payer bien payer un ministre et puis on ne va pas payer les hommes de Dieu? C'est pour insulter Dieu. C'est pour insulter Dieu. Il doit avoir des gens intelligents, des gens qui travaillent, qui utilisent leur intelligence parce que c'est Dieu qui a donné pour lui-même, pour son œuvre, pour faire avancer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Et ça fait une grande différence. Et donc, je pense avec les intellectuels qu'on a dans cette église, c'est pourquoi l'église avance et grandit. Vous comprenez ce que je dis? En Chine, on est en Chine. En Malaisie, c'est Malaisie, non? Malaisie, on vient de commencer là-bas. En Inde, on veut aller là-bas. Yeah. Donc, s'il n'y a pas les intellectuels, est-ce qu'ils peuvent aller dans ces endroits pour commencer? Les Congolais, on va les renvoyer. Si le gars ne connaît pas les lois, on va le renvoyer du Congo, de ton pays. Yeah. Donc, les étudiants de l'université, First Love. L'une des raisons pour laquelle l'évêque va faire cela, c'est pour les envoyer comme missionnaires. Vous êtes calme. Yeah. Missionnaire. Yeah. Missionnaire. Missionnaire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là. Donc, amène la dîme, on va les payer. Toi, tu ne veux pas aller. Même évangéliser dans ton quartier, tu ne veux pas. Prier, tu ne veux pas. Tu dois prier pour quelqu'un que prier, pour quelqu'un prier pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Yeah. Yeah. Et il y a beaucoup de travail dans la maison. Ceux qui travaillent à plein temps ne dorment pas. Yeah. Il y a un pasteur qui disait, si tu n'es pas vraiment un chrétien et tu travailles dans la maison du Seigneur, tu peux rétrograder. Parce que tu peux te concentrer sur le travail et tu ne vas pas prier. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Yeah. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Notre pasteur principal, oh, fatigué. Et puis Daniel, fatigué. Pasteur Jérémy, parce qu'ils sont ceux qui sont à plein temps. Fatigué. Fatigué. Travaille la nuit. Parfois, dit pasteur Jérémy, dit que je passe la nuit dans le bureau pour travailler. Yeah. Et c'est lui qui dit, c'est que tu n'es pas un chrétien, un vrai chrétien. Et tu travailles à plein temps, tu peux rétrograder. Rétrograder dans le sens que tu ne vas pas prier, tu ne vas pas lire ta Bible, tu ne vas pas faire les choses comme un chrétien. Parfois même, tu ne vas pas venir à l'église. Yeah. Parce que le matin, il est en train aussi de prêcher en ce temps. Après la prédication, il va dans son bureau pour continuer le travail. Parce qu'on l'attend. S'il ne finit pas le travail, il y aura un problème. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc, payez la dîme pour payer les pasteurs. Amenez la dîme et vous serez bénis. Yeah. Et lorsque tu fais ça, c'est pour là il y a une promesse qui va ouvrir les écluses des cieux. Parce que tu reconnais que l'œuvre de Dieu est très, très importante. Et tu amènes la dîme pour payer ces gens. Oh, le Seigneur, il est juste. Chaque fois, je dis, il est juste. Il est juste. Alléluia. Et il va te récompenser. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes bénis ce matin. Oh, allez. Dieu a établi la dîme pour avoir une base légale pour bénir son peuple. Base légale. Yeah, base légale. C'est comme tu veux avoir une récolte de manguier. Et puis tu es là, tu n'as rien semé. Je crois que je veux avoir des mangues cette année. Et puis tu es assis dans ta maison, dans ton futur, tu as levé le pied comme ça. Seigneur, j'attends la récolte des mangues. Alors que tu ne mets pas, tu ne sèmes pas et puis arroser. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Yeah. Yeah. C'est comme tu veux économiser, épargner de l'argent, alors que tu gardes l'argent dans ta poche. Seigneur, je veux avoir de l'intérêt. Hein? Dans 5 mois, Seigneur, combien de pourcents de la banque? La banque donne combien de pourcents? 10%, mais je garde l'argent dans ma poche. Tu ne vas pas avoir de l'intérêt sur l'argent que tu as dans ta poche. À moins que tu l'amènes à la banque, on garde l'argent là-bas. C'est ça, non? Vous comprenez? Donc, lorsque tu amènes, c'est pourquoi parfois on dit, lorsque tu donnes l'offrande, tu fais la dîme, c'est qu'on dit, tu es en train de semer. Semer. Et donc, avec ça, c'est, Dieu a une base légale. Il dit que, tu as amené de l'argent, tu dois récolter de l'argent pour te bénir. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Yeah. Yeah. Regarde, verset 15, Deutéronome 26. Regarde ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Wow! Wow! Est-ce que vous comprenez? Yeah! Yeah! On va lire Deutéronome 8. Deutéronome 8, je termine avec ça. Parce que les danseurs vont danser et les rappeurs aussi vont rapper. Ça peut aller? Ok. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Ok. Vous êtes là? Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il avait jurée à tes pères. Alléluia. C'est l'Éternel qui te donne la force d'avoir la richesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Nous les chrétiens, on ne va pas aller voir les marabouts pour être riche. Ou bien, yeah, on ne va pas aller voir un féticheur pour nous rendre riches. Hein? On ne va pas aller voir. Mais c'est le Seigneur qui nous donne la force, l'onction, la puissance pour acquérir la richesse. Et lorsque tu paies ta dîme, il a une base légale. Hein? Ici même, il a dit une alliance. Alléluia. C'est une alliance qu'il a fait. Il a fait, oh, c'est comme un contrat. Fais ta part et moi aussi j'ai fait ma part. Alléluia. Donc ça, c'est légal. C'est quelque chose qui est légal pour lui. Et donc, il ne peut pas refuser de te bénir. Il ne peut pas. Parce qu'il doit faire sa part. Tu as fait ta part, il fait sa part. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là. Vous êtes bénis. Levez-vous, s'il vous plaît. Yeah. Au moins, Asli, vous avez quelques raisons. Avec ces raisons, vous serez bénis. Wow. Wow. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Seigneur a établi la dîme. Et ces raisons sont mystérieuses. Mystérieuses. Et par ces raisons, Dieu, si nous obéissons à ces commandements, à ce commandement, le Seigneur ne va pas nous oublier. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Fermez les yeux, dis merci pour sa parole. Si tu n'as pas encore commencé à payer ta dîme, c'est le moment. C'est le moment. Seigneur, merci ce matin pour cette parole. Est-ce que tu peux prier? Prie ce matin pour sa parole. Faut dire merci. Dis merci. Dis merci. Seigneur, merci ce matin pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous rappelle encore des raisons pour lesquelles tu as établi la dîme, Seigneur. Que nous n'oublions pas ces raisons. Que ces raisons soient toujours dans nos cœurs pour que nous puissions donner, payer nos dîmes. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Avant de s'asseoir, fermez les yeux. Tout le monde, ferme les yeux. Si tu es là, tu n'as pas pris une décision. Tu ne te rappelles même pas que tu as une fois pris une décision de donner ta vie à Dieu. Ou bien tu as une fois donné ta vie à Dieu, mais tu t'es retourné dans ta vie ancienne. Ce matin, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie, de redonner ta vie encore. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier. Merci, mon frère. Merci. Merci. Toi aussi, tu veux lever la main. Merci. Qui aussi veut lever la main? Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin. Peut-être que c'est ta première fois, on t'a invité. Mais tu as été touché par la parole et tu veux donner ta vie. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Le Seigneur te voit, il sait que tu dois lever la main aujourd'hui, ce matin, pour donner ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Va prier ce matin. Avant de partir, la Bible dit qu'à moins que tu nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Un jour, la Bible dit que nous comparaîtrons devant l'Éternel, le trône, nous tous, et nous serons jugés. Et lorsque tu t'apparais devant le trône, est-ce que tu seras choisi pour le ciel? C'est la question. Est-ce que tu peux lever la main? Une minute, quelques secondes. Le Seigneur t'attend. Il veut que tu lèves la main pour recevoir le salut ce matin. Seigneur, merci. Est-ce que si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant ma prière? Viens, ma prière. Viens, viens. Viens. Salut seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ferme tes yeux. Et tout le monde ferme les yeux, répétez après moi. Dis Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ton amour. Seigneur, tu m'as tant aimé. Et tu as donné ton fils pour me sauver. Seigneur, ce matin, je reconnais qu'il est le sauveur. Et je l'invite et je le reçois comme le sauveur. Seigneur, merci ce matin. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie ancienne. Seigneur, je vais te suivre. Je vais te servir dans la joie du salut. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.